Et vous êtes de retour sur Radio Cayenne, il est 23h27 et nous allons passer à un nouveau sujet. On va parler de ce qui se passe en ce moment en Haïti. Et du coup, j'avais envie de vous donner des nouvelles un petit peu exhaustives de ce qui se passe là-bas. Donc bon, il faut savoir qu'à l'international, il se passe beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits, voilà. Là, j'ai décidé de vous parler d'Haïti, mais en vrai, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ce qui se passe à l'international. Il y a des mouvements sociaux forts dans plein de pays. Bon, les situations sont très différentes d'en France, hein, quand même, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. On avait parlé notamment de Hong Kong, et je vous prépare potentiellement un petit podcast par rapport à ça, mais aujourd'hui, en tout cas, on va parler de Haïti. Et donc, en Haïti, pour commencer, tout simplement, je vais vous passer un extrait du Canu Info du 24 septembre. Voilà. Donc, le 24 septembre dernier, Canu Info, donc Radio Canu, c'est une radio de lutte à Lyon, ils ont présenté un petit peu la lutte en Haïti. Donc, voilà, il y a quelques minutes de présentation pour recontextualiser ce qui se passe. Et ensuite, je vous donnerai plus de détails et des nouvelles plus fraîches. Donc, je vous laisse écouter ça. Que se passe-t-il à Haïti? On en parle assez peu dans les médias, dans nos médias de masse français. Que se passe-t-il dans ce pays de 11,5 millions d'habitants? Quel pays le plus pauvre des Caraïbes? Le 20e pays le plus pauvre au monde, qui était à l'époque où il s'appelait encore Saint-Domingue, à la fin du 18e siècle, la colonie française la plus riche d'Amérique grâce aux immenses profits de l'industrie sucrière et de celle de l'indigo, vous savez, la couleur bleue très puissante. Généré par le travail des esclaves, hein, pour rappel ou information, à partir de 1780, la fin du 18e, c'était 36 000 esclaves africains par an qui étaient amenés pour remplacer leurs prédécesseurs qui mouraient à la tâche pour les beaux yeux de la bourgeoisie française. Au moment de la révolution d'indépendance de 1804, les esclaves noirs étaient déjà 10 fois plus élevés que les blancs. La population noire y est aujourd'hui toujours très largement majoritaire. Elle vit dans une extrême pauvreté, alors qu'une petite minorité noire et surtout blanche, soutenue par la France d'abord puis par les États-Unis, détient les moyens de production, l'armée, bref, le pouvoir. Cette minorité au pouvoir est largement corrompue et obéit au dictat d'un certain Fonds monétaire international depuis les années 80. En février 2019, donc récemment, il y a quelques mois, l'actuel président Jovenel Moïse, un ancien PDG d'une grande entreprise de production et d'exportation de bananes, soupçonné de blanchiment d'argent à plusieurs reprises et de fraude électorale, donc élu en novembre 2016, eh bien ce président a accepté, contre un nouveau prêt du Fonds monétaire international, une hausse des carburants allant jusqu'à 50%. Plusieurs scandales de corruption touchant un certain nombre de ministres ont également récemment explosé. Dès février, de nombreuses manifestations et émeutes avaient bloqué le pays. Les routes étaient coupées, de nombreuses barricades, de nombreux affrontements. Plus aucun transport ne fonctionnait. L'éducation et la santé étaient bloquées. Les trois principaux pays ayant des ressortissants, d'ailleurs, avaient conseillé à leurs ressortissants, américains, français et canadiens, de fuir Haïti, car ça devenait trop dangereux pour eux, les pauvres petits blancs. Ce mouvement, donc, est parti des quartiers les plus pauvres, notamment suite à un scandale de corruption, un autre qu'il faut ici souligner, c'est le scandale Petrocaribe. Alors en quelques mots, le Venezuela de Chavez puis de Maduro avait adopté un programme depuis 2005 de revente de pétrole à des conditions avantageuses aux pays des Caraïbes, donc à des pays qui sont pauvres, contre des investissements dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Cet argent a été finalement massivement détourné par le pouvoir en place qui a durement réprimé le mouvement quasi insurrectionnel de février soutenu par les États-Unis. Pour la petite histoire, Haïti d'ailleurs a immédiatement suivi les États-Unis en reconnaissant Juan Guaido comme président légitime du Venezuela. Ce qui a également participé au mécontentement populaire à Haïti. C'est précisément ce qui motive les nouvelles révoltes particulièrement intenses de ces trois dernières semaines. Les principales villes sont complètement bloquées. Le nouvel élément déclencheur n'est autre que la pénurie de carburant qui fait suite à la hausse de février sur commande du Fonds monétaire international. Ces derniers jours, les affrontements ont été très intenses. L'armée a tiré à balles réelles sur les manifestants, faisant plusieurs morts. Ce qui se passe à Haïti depuis plusieurs siècles, est un véritable scandale. On en connaît les responsables, une fois n'est pas coutume. Le colonialisme français d'une part, l'esclavagisme, puis l'impérialisme américain, mais également toujours l'impérialisme français qui soutiennent ou se jouent des régimes en place depuis l'indépendance à des fins purement économiques et géostratégiques. On suivra donc de près ce qui se passe dans cette ancienne colonie française, l'un des pays, je le rappelle, les plus pauvres et corrompus au monde, comme la plupart des anciennes colonies françaises. Donc voilà, en guise d'introduction sur ce qui se passe à Haïti. Donc ça, c'était un petit point qui date du 24 septembre, donc qui parlait déjà de ça faisait 3 semaines qu'il y avait des gros mouvements de blocage, etc., et une énorme répression en Haïti, et du coup ça a continué. Donc là, les infos que je vais vous donner, je les tire d'un site qui s'appelle Haïti Libre en un seul mot.com. Voilà. Donc là, c'était le 24 septembre. Le week-end qui a suivi, donc le vendredi, il y a eu une grosse manifestation en Haïti. Du coup, j'ai l'impression qu'il y en a tous les vendredis, mais peut-être pas que les vendredis. Hein, voilà. Et du coup, là, je vais vous lire un petit peu le détail, un peu plus dans le détail, ce qui se passe dans ces journées qui sont plus des insurrections, en fait, hein, que des manifestations. Donc voilà, je vous lis un petit peu, en fait, les comptes rendus, on va dire. Et donc là, un bout, on va dire, de compte rendu de la journée du 28 septembre dernier à Haïti. Donc, vendredi, répondant à l'appel de l'opposition radicale, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de la capitale et dans plusieurs villes de province pour exiger la démission du chef de l'État. Des scènes de pillage, de vandalisme, d'incendies et d'affrontements violents ont été rapportées tout au long de la journée, avec son lot de morts et de blessés. Et donc là, après, il donne un peu le détail par ville. Donc par exemple, à Cap-Haïtien, des affrontements entre manifestants pro et anti-gouvernement ont fait 20 blessés, dont au moins 15 par balle, selon l'hôpital. Voilà, on rapporte plusieurs commerces vandalisés et pillés. À Caïs, la ville était entièrement bloquée par des barricades de pneus enflammés. Dans une ambiance d'émeute, les manifestants ont pillé plusieurs commerces et institutions de la ville. Plusieurs entreprises de sécurité ont été dévalisées. Les manifestants ont pris d'assaut le poste de police et se sont emparés des armes des policiers. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé sur un boulevard du centre-ville. Plusieurs pompes à essence ont été endommagées. À Gonaïves, le sous-commissariat a été attaqué et le bureau de la délégation a été saccagé. À Jacmel, dans le sud-est, plusieurs affrontements violents ont eu lieu et le tribunal de la paix a été incendié et l'hôpital rapporte au moins 4 blessés par balle. À Jérémy, plusieurs véhicules ont été incendiés au bureau de la délégation départementale. À Mirbalais, au moins 3 personnes ont été atteintes par balle suite à un affrontement avec les forces de l'ordre, alors que les manifestants lançaient des pierres et des bouteilles sur les policiers. Ceux-ci donc ont riposté à balles réelles avec des tirs à hauteur d'homme. À Petit Goave, les manifestations ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. Les manifestants ont mis le feu à un bâtiment du parquet et du tribunal de première instance et de nombreuses archives sont parties en fumée. À Saint-Marc, pareil, là c'est une banque qui a été attaquée par des individus violents non identifiés. Et en milieu de journée, des manifestants munis de machettes ont maîtrisé des policiers du sous-commissariat qu'ils ont pillés. Des armes, munitions et uniformes ont été emportés, une voiture de police a été volée et une autre incendiée. Et les locaux du parquet, du palais de justice ont été incendiés. Bref, ça c'est un bout, on va dire, c'est vraiment un bout de compte-rendu de ce qui a pu se passer rien que la journée du 28. Et j'en avais encore un autre bout, mais en gros ça redit à peu près les mêmes choses. Du coup, voilà, des saccages, des pillages, des grosses violences policières, des morts par balles. Enfin, c'est vraiment très, très, très énervé là-bas, quoi. C'est l'insurrection, en fait, de ouf. Mais voilà, à chaque fois, là, ce que je lis, c'est sur ce site. Et c'est à chaque fois, à la fin, ils précisent quand même qu'aucun bilan humain et matériel n'a été communiqué officiellement, quoi. Du coup, il y a aussi un truc que le gouvernement et les médias mainstream officiels là-bas ne communiquent pas du tout de choses communiquent très peu par rapport à ça. Du coup, ça, c'était pour la manif qui a suivi le point info là, dont on a écouté l'extrait. Mais du coup, vendredi dernier, donc il n'y a pas si longtemps, donc c'était quoi, le 4, je crois. Le 4, il y a eu encore une nouvelle manifestation. Et du coup, là, je vais vous lire aussi le compte-rendu. Du coup, il s'est passé sensiblement, je pense, les mêmes choses que ce que je viens de raconter pour le 28. Sauf que il y a un peu du nouveau, c'est qu'il y a un appel à l'ONU, en fait, qui s'est fait récemment. Donc, je vous lis l'article. Donc en date du 5, qui raconte les événements du 4 octobre. Vendredi, des dizaines de milliers de personnes ont pris le béton, répondant à l'appel de l'opposition, criant des slogans hostiles et brandissant des pancartes réclamant la démission sans condition du président Moïse et contre l'ingérence de l'international pour ses appels répétés à la résolution de la crise par le dialogue. Des milliers de personnes ont également manifesté dans les villes de province, voilà, où les activités économiques et la circulation ont été paralysées par des barricades de pneus enflammés et les manifestants. Tout comme lors des grandes manifestations du 27 septembre, cette journée n'a pas échappé aux actes de violence et de vandalisme dans la capitale et d'autres grandes villes du pays. Des affrontements violents ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, jets de pierres et bouteilles contre lacrymogènes, LBD, donc balles de caoutchouc, canons à eau et tirs en l'air. Alors là, ils disent tirs en l'air, mais bon, vu le nombre de blessés et de morts par balle, c'est pas que des tirs en l'air. Hein. Les écoles et la plupart des commerces et institutions publiques ont gardé leurs portes closes. La présence de plusieurs journalistes internationaux a été vue sur le terrain. Équipés de gilets pare-balles, de boucliers et de canons à eau, les unités du corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la police nationale étaient en position près des barrages routiers. À l'ALU, un groupe de manifestants a incendié l'entrée de la direction de l'immigration et de l'émigration, tandis qu'une autre manifestation dans le quartier de Delmas affrontait les forces de l'ordre. Au moins une personne a été tuée par balle, tandis que des manifestants ont été blessés. Aucun bilan n'est encore diffusé pour la journée de ce vendredi. Là, on l'a vu, hein, y a les commissariats qui sont attaqués, les tribunaux, tous les endroits en fait, qui représentent le pouvoir aussi. Et là, du coup, il y a la direction de l'immigration et de l'immigration qui se fait attaquer. Et je pense que c'est une réponse à ce qui se passe aussi du coup, alors du côté de la frontière, c'est-à-dire que Haïti, du coup, à sa frontière, il y a Saint-Domingue. Saint-Domingue, du coup, vu ce qui se passe en Haïti et vu que c'est un partenaire commercial, etc. Ben Saint-Domingue, en fait, il a renforcé sa frontière. Il y a 10 000 militaires qui ont été placés à la frontière pour protéger Saint-Domingue. C'est-à-dire que comme il y a une pénurie d'essence en Haïti, bah, il y avait des gens qui allaient faire leur plein à Saint-Domingue ou qui ramenaient de l'essence de là-bas. Et puis il y a des gens, je pense, qui fuyaient aussi un peu la situation en Haïti, je ne sais pas trop. Mais enfin, dans tous les cas, Saint-Domingue a répondu en fermant sa frontière, en renvoyant en Haïti des gens qui avaient traversé illégalement. Et du coup, ils ont aussi interpellé l'ONU, mais ça, je vais en parler après. Et donc, ce qui s'est passé le 4, c'est que les unités donc, de maintien de l'ordre avaient déployé un important dispositif sécuritaire pour empêcher aux manifestants d'atteindre les bureaux de l'ONU en Haïti. Parce que c'était le but de cette manifestation, c'était d'atteindre, entre autres, un des buts, c'était d'atteindre les bureaux de l'ONU. Tout au long de la route, les manifestants très motivés, venant de divers quartiers, ont brûlé des pneus et jeté des pierres et des bouteilles et au moins deux cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des canons à eau, des grenades lacrymogènes, des tirs de LBD, et plusieurs leaders de l'opposition ou sympathisants étaient présents et se sont rendus au siège de la mission de l'ONU pour envoyer un message oral et écrit. Visiblement dépassés par la foule, les policiers ont finalement laissé passer les manifestants devant la base de l'ONU sous fort encadrement. Le sénateur de l'opposition radicale a rappelé qu'une lettre avait été envoyée mercredi au secrétaire général des Nations Unies, appelant la communauté internationale à retirer son soutien politique au président Moïse. Et donc il explique dans sa lettre, lors de différentes manifestations de rue pour réclamer sa démission, Jovenel Moïse a ordonné une répression systématique sur de paisibles citoyens qui ne font que défendre pacifiquement leurs droits inaliénables. Il est dénombré plus d'une centaine de manifestants qui ont été assassinés, des milliers de blessés et estropiés par balles, et certains arrêtés illégalement. Le pays est totalement dysfonctionnel depuis des semaines. Les portes des entreprises publiques et privées, les banques commerciales, les écoles et autres sont restées fermées. Les Haïtiens demandent à corps et à cri la démission du président Jovenel Moïse. Donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'opposition, et puis en vrai, bah, voilà, le peuple aussi derrière, du coup, ils ont interpellé l'ONU pour que l'ONU se désolidarise en fait, du régime en place, qui est visiblement hyper répressif, corrompu. Enfin, voilà, on a entendu aussi ce que disaient les copains de Radio Canu tout à l'heure. Et du coup, l'ONU donc a été interpellée. L'ONU a pas dit grand-chose, à part appel au dialogue, machin, bidule. Et l'ONU a été aussi interpellée en urgence par Saint-Domingue, qui a dit « Oui, c'est pas possible, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose, parce que là, quand même, le président, il a été élu démocratiquement, il faut le soutenir, il faut mettre fin à la crise, parce que c'est plus possible, il y a des retombées économiques, ça va pas du tout. » Et du coup, l'ONU, comme d'habitude, sert pas à grand-chose, hein, voilà. Mais faut bien voir que du coup le peuple haïtien, il est je sais pas comment dire, il est vraiment tout seul face à son gouvernement tout pourri. Il est en pleine révolte et insurrection, il se fait réprimer de ouf. Et à l'international, plutôt ça prend le parti de l'économie, quoi, en fait. Du coup, il y a des grosses pressions parce qu'il y a des pertes économiques gnagnin. Et les gens, en fait, ils n'ont plus accès à rien, quoi. Non seulement ils n'ont plus trop d'essence, mais en plus, effectivement, tout est fermé. Ils subissent une grosse répression. Et encore en plus de ça, il y a énormément... Enfin, comme on disait, c'est un des pays les plus pauvres. En fait, il y a énormément de gens qui dépendent de l'aide alimentaire, là-bas. Et du coup, avec la crise, etc., c'est très compliqué. Enfin, la nourriture a encore plus de mal à arriver aux gens... Bref, c'est vraiment une situation très très compliquée, et que si ça dure comme ça, je sais pas comment vont finir les gens, mais sachant que c'est déjà plus ou moins un bain de sang, enfin là, c'est ça, les opposants et aussi les observateurs des droits de l'homme, voilà, ils parlent de quand même, enfin là, eux, dans leur communiqué, ils parlaient de plus d'une centaine de manifestants assassinés et des milliers de blessés, hein, c'est quand même assez ouf. Après, évidemment, selon les sources, ça varie, quoi. La police, eux, ils disent juste qu'il n'y a eu que 5 morts, voilà, dont 2 policiers en plus, je crois qu'ils disent. Non, oui, si, je crois que c'est ça. Alors que le Réseau National de Défense des Droits de l'Homme, eux, ils parlent de 15 morts au minimum. Et ça, c'était juste entre le 16 et le 30 septembre. Ils disent au moins 15 morts par balle et 189 blessés. Voilà. Mais c'est le minimum, quoi. Enfin, bref, du coup, c'est une situation très compliquée. Et les toutes dernières nouvelles, donc à part l'ONU qui dit pas grand-chose, à part « oulala, il faut sortir de la crise » et on enjoint les deux parties à dialoguer. Voilà. À part ça, il y a le président du coup qui a dit « oui, alors peut-être je pourrais être prêt à remettre mon mandat en cause, mais seulement si on fait dans le cadre démocratique avec des élections anticipées, gna gna gna ». Enfin voilà, il fait une fausse sortie de crise en disant « oui, alors peut-être on pourrait avancer un peu les élections, hein, voilà, éventuellement ». Et du coup, l'opposition a répondu à ça en mode « Non mais on n'a rien à taper de tes élections anticipées, en fait, c'est pas ça qu'on veut, en fait, on veut que tu démissionnes et on veut avoir, on veut arrêter de dépendre du FMI, quoi, aussi. On veut que le FMI se barre et on veut que toi, tu te barres. » Et voilà. Donc, c'est loin d'être fini en Haïti et c'est assez fou ce qui se passe là-bas. Et je pense que, en vrai, ils auraient bien besoin d'une réaction internationale et de réaction de solidarité de la part de peuples en lutte, de gens qui luttent aussi ici, quoi. Ben, quand on voit que ça, c'est un mouvement qui est né un peu comme les Gilets jaunes, quoi, finalement, qui est né suite à des problèmes par rapport à l'essence. Bon, c'est un peu un raccourci de dire ça comme ça, mais en fait, voilà, quoi. En France, ça donne les Gilets jaunes, en Haïti, ça donne une insurrection de ouf, quoi. Donc voilà, et je pense que on s'intéresse pas assez souvent à l'international, alors qu'il y aurait vraiment besoin, je pense, d'afficher notre soutien, quoi. Sachant qu'en plus, c'est une ancienne colonie française, donc l'état dans lequel est ce pays est aussi très, très fortement dû, en fait, à nos gouvernements et aux ressources que dont nous on a bénéficié et dont on bénéficie encore, en fait. Du coup, là, je vais vous faire découvrir un morceau un peu bizarre, marrant, posé, de Shai Hulude, qui s'appelle « Bâtiment en flammes ». Je précise qu'on aime voir les bâtiments cramés, peut-être un peu comme en Haïti, mais par contre, pas comme à Rouen. Voilà. Je vois bâtiment en flamme. Bâtiment en flamme. Bâtiment en flamme. Bâtiment en flamme. En flamme. Bâtiment en flamme. Bâtiment en flamme. En flamme. Un jeu voir des bâtiments qui crament. Mairie, préfecture, école, école. Comme dans mes lectures de SF post-apo. Et je veux les voir en ruine en lambeaux. Quoi de plus beau qu'une féfée, qu'une lambeau. Qui brûle et qui prend des coups de marteau. Allez vous faire voir tous les commissaires. Mais en argot, allez niquer vos pères. Qu'on gagne ou qu'on perd. Rien à battre, rien à faire. Paradis ou enfer, j'ai la tête à l'envers. Jésus-Christ, Lucifer, porte où de la lumière. La terre est commune, les humains la séparent. La transforme en thune, s'accapare toutes les phares. Comment traverser sans casser le miroir. Chercher un sens me paraît dérisoire. Si dans le feu je vois luire l'espoir. Si dans le feu je vois luire l'espoir. Bâtiment en flamme. Bâtiment en flamme. Parasite dans ton système monétaire. Te gratte la bite pourrie de sévère. À l'envers, à l'endroit, je veux le haut comme le bas. C'est-à-dire des prolos vivant comme des bourgeois. Comment vous le dire tout en restant courtois. Il faudrait détruire ou pardon abolir ce monde de merde et chacune de ses lois. Allumer les joints, allumer les feux de joie. Enfermé dans le piège, en état de siège. Y a 30 ans, pétrant, tu es trinquisé les jambes. Des patrons, des profs à qui tu fais des rondes jambes. En ruine ou en cendre, un désir de vengeance. Pour un seul qui monte, des centaines qui descendent. Privé d'amour, voilà haine se répandre. Attaquer des banques, j'appelle ça se défendre. Ils fabriquent des tanks, j'arrive pas à me détendre. Tu penses qu'à vendre, t'es qu'un branquignol. Vive les camarades qui font comme le guignol. Marrape les gendarmes et brûler leurs chignoles. Pas d'appel au calme, les failles à Babylone. En attendant, je vais cramer ce pylône. Ou bien m'allumer, juste un petit cône. Pendant que ces trous de balles sont trop pour le trône, bâtiment en flamme, bâtiment en flamme, en flamme, bâtiment en flamme, bâtiment en flamme, en flamme, un jeu voir des bâtiments qui bâtiment en flamme qui sèche nos larmes.